Section 70 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 16, troisième partie. Les Osmanlis, premier sultan, par Alfred Rambaud. Dislocation de l'Empire Seldjoukide, les 10 Émirats. L'Empire Seldjoukide se disloqua à la mort d'Ala ed-Din III, 1297-1307, et de son fils Gayas ed-Din, tous deux tués par ordre du khan mongol Ghazan. Alors, l'ancienne sultanie de Roum, c'est-à-dire la péninsule d'Anatolie, limitée à l'est par le Kizil Ermak, fleuve rouge, ancien Alis, se démembre en une dizaine d'émirats ou khanats. Premier, sur le détroit des Dardanelles, dans l'ancienne Mysie, capitale Bergama, la Pergame des Attales, régna l'émir Karazi. Deuxième, l'ancienne Lydie de Crésus, devint le lot de Saroukan, avec Kachaba, Sardes. Troisième, la Méonie et l'Ionie d'Homère furent le lot d'Aïdin, qui eut pour capitale Éphèse, Aya Souluk, puis Aïdin Lili. Quatrième, l'ancienne Carie maritime échut à Menteché. Cinquième, la Lycie et la Pamphylie formèrent l'état de Téké. Sixième, la Pisidie, Lycaonie, Isaurie, celui de Amide. Septième, la Lycaonie Nord et Cappadoce, avec Caïsaria, Césarée, Éconié, Iconium, formèrent le lot de Caramane. Huitième, la Phrygie, où avait régné le roi Midas, avec Cutaïe, ancien Coitium, forma l'état de Kermiane. Neuvième, la Paphlagonie, avec Héraclée Pontique, Amastris, Sinope, devint l'état de Castamounie. Ces états gardèrent le nom de leur premier chef, et on ne les appela plus que Karazi, Saroukan, etc. Seul celui de Castamounie prit le nom de sa capitale, Castracomneni, Castamounie. Tous, sauf le Kermian, était en partie maritime. Le dixième état issu du démembrement seldjoukide doit attirer surtout notre attention. Là se forma, empruntant aussi son nom à l'un de ses chefs, le peuple qui devait donner ce nom aux deux péninsules, anatolique et balkanique. Rien de plus humble et de plus obscur que ses débuts. Son lointain ancêtre, Souleyman, aurait quitté le Khorasan avec 150 000 émigrants, se serait établi auprès d'Erdenjan et Aklat, 1224, puis, refoulé par l'invasion mongole, se serait porté sur l'Euphrate et se serait noyé dans le fleuve à l'endroit appelé aujourd'hui Turk-Mézari, tombeau du Turc. À sa mort, les hordes nomades qui s'étaient jointes à sa famille se dispersèrent. Même ses quatre fils se séparèrent. Deux d'entre eux retournèrent dans le Khorasan, deux autres, Dundar et Ertogul, le pourfendeur, avec 400 familles, s'établirent à l'ouest d'Erzeroum, Arx Romanorum. Puis ils continuèrent leur marche vers l'occident, afin de se placer sous la protection d'Ala ed-Din Ier, sultan des Seldjoukides. Ertogul, le fief seldjoukide. On raconte qu'Ertogrul, arrivant en haut d'une montagne, aperçut dans les plaines deux armées qui se battaient. Il décida de venir en aide à celle qui lui semblait la plus faible. À la tête de 444 cavaliers, le 4 est un chiffre sacré chez les Ottomans, il fondit sur la plus forte et assura la victoire de l'autre. Les vaincus se trouvaient être une horde de Mongols. Ce qui devait la victoire à Ertogul, c'était le sultan Ala ed-Din Ier et ses Seldjoukides. En récompense de cet exploit chevaleresque, Alaa ed-Din aurait accordé aux nouveaux venus les montagnes de Toumanij et Herménie pour leur séjour d'été et la plaine de Segud pour leur séjour d'hiver. Ertogrul, pour le compte de son nouveau suzerain, guerroya contre les châtelains grecs de son voisinage. Son fief s'agrandit. Il comprit le district d'Eskichère, la vieille ville, d'Orilé, qui prit le nom nouveau de Sultan Eni, front du sultan. Ertogrul et ses gens étaient encore païens. Dans un de ses voyages, il reçut l'hospitalité chez un pieux musulman et vit dans les mains de son hôte un livre. On lui dit que c'était la parole de Dieu annoncée par son prophète. Quand son hôte fut couché, Ertogrul prit le roman, le lut debout toute la nuit, puis s'endormit. Alors il eut un songe. Une voix d'en haut lui disait « Puisque tu as lu ma parole éternelle avec tant de respect, tes enfants et les enfants de tes enfants seront honorés de génération en génération. » Il mourut en 1288 et eut pour successeur son fils Osman. Osman, conversion des Osmanlis à l'islamisme. Le nom d'Osman ou Othman signifie « briseur de jambes ». C'est ce nom qui devint celui de son peuple, les Osmanlis ou Ottomans. Sous lui, un nouveau pas fut fait dans les voies de l'islam. Ce jeune prince allait souvent visiter le savant et pieux Cheikh Edebali, établi à Idboroni, village voisin d'Eskichère. Il aperçut sa fille, Malkatoum, la femme trésor. Il demanda sa main et fut repoussé. Il était encore un trop petit seigneur. Mais un jour, qu'il dormait chez son beau-père manqué, il rêva qu'il voyait sortir du sein d'El-Abali la lune qui, grossissant à vue d'œil, et enfin devenue pleine, venait se cacher dans ses reins à lui, Osman. Alors, de ses reins, surgit un arbre colossal dont les rameaux couvraient de leur ombre les terres et les mers, les dômes et les obélisques, les colonnes triomphales et les pyramides. Des racines de l'arbre coulaient les grands fleuves de l'humanité, Tigre, Euphrate, Nil, Danube. Les grandes montagnes, Caucase, Balkan, Taurus, Atlas, étayaient ses rameaux. Tout à coup s'éleva un vent violent qui tourna toutes les pointes de ses feuilles allongées en lames de sabre vers un point unique. Ce point était une ville qui, située à la jonction de deux mers et de continents, semblait un anneau serti de deux saphirs et de deux émeraudes. Osman allait le mettre à son doigt quand il se réveilla. Il raconta son rêve à son hôte. Le cheikh comprit qu'il avait là un signe envoyé par Dieu. Il accorda la main de sa fille. Les prédications d'Edebali hâtèrent la conversion d'Osman et de son peuple. Cette conversion devait avoir pour l'histoire des conséquences incalculables. Jusqu'alors, les Ottomans n'étaient qu'un ramas de nomades, mêlés de Turcomans, peut-être de Mongols. La religion nouvelle en fit une nation. En outre, elle leur permit de s'agréger tous les hommes de race turque qui confessaient comme eux l'orthodoxie musulmane et, tout d'abord, d'absorber les Seldjoukides. Plus tard, c'est en embrassant l'islam que des Grecs, des Slaves, des Albanais, des Roumains, des Magyars deviendront des Osmanlis. L'orthodoxie musulmane devait constituer pour eux la même force de cohésion, d'attraction, d'absorption que le christianisme orthodoxe avait donné aux Romains de Byzance. D'autre part, l'islamisme, qui s'était épuisé avec les races arabes, persanes, berbères, serait tombé 500 ans plus tôt dans l'état d'impuissance politique où nous le voyons aujourd'hui, si la race turque n'était venue lui apporter un regain de jeunesse, de vie barbare, de fanatisme neuf, avec la puissante organisation de l'État ottoman, la forte discipline de son armée. L'alliance des Turcs et de l'islam, comme au 5e et au 8e siècle l'alliance des Francs et du catholicisme, enfanta un monde. Conquête d'Osman. Le peuple d'Osman avait maintenant un nom et une foi. dans l'anarchie et le morcellement infinitésimal de l'Anatolie, le petit seigneur de Sultan Euni trouvait des potentats de sa taille auxquels il pouvait s'attaquer. Les uns étaient des feudataires du sultan Seljoukide, les autres des commandants de forteresses grecques, qui, oubliés là par l'Empire byzantin, vivaient comme ils pouvaient, soldant leurs hommes avec le pillage, faisant leur politique à eux. Un de ces commandants chrétiens était celui que les Ottomans ont appelé Michal Közé, Michel à la barbe pointue, gouverneur du château de Kerimenkia. Dans une rencontre, Osman le battit et le fit prisonnier. Michal Közé se prit d'amitié pour son vainqueur, embrassa pour lui plaire l'islamisme et resta jusqu'à la mort son fidèle allié et serviteur. De lui est issue cette famille des Michal Ogli, fils de Michel, qui, de père en fils, eut le commandement des troupes irrégulières dans l'armée ottomane. Osman conquit ensuite les forteresses grecques d'Angoulakomas, Karadja-Hissar, Belejik. Il obtint du sultan Seljoukine qui lui en donna l'investiture. Il reçut de lui un drapeau, un grand tambour, une queue de cheval. Dans Karadja-Hissar, il changea l'église en mosquée, y établit un imam, un kateb, prédicateur, et un molla, juge. Il y fit régner si bon ordre et si bonne justice que le marché de sa ville fut très fréquenté. Alaa ed-Din III étant mort, 1307, Osman devint prince indépendant. Il faisait déjà dire la prière en son nom dans la mosquée de Karadja-Hissar. Il partagea son état en gouvernement, qu'il confia à ses fils, à son frère, à ses principaux chefs. Il conquit toute la région du fleuve Sangara. Il eut dès lors un littoral et une marine. Les corsaires osmanlis commencèrent à jouer leur rôle dans de nombreuses descentes des pirates turcs sur les côtes et dans les îles de l'Empire grec ou des États latins. L'émirat osmanli s'étendait maintenant sur la majeure partie de la Bithynie et de la Galatie, l'ancien pays des Gaulois d'Asie. On peut se demander pourquoi, des 10 émirats qui se substituèrent à l'Empire seljoukide, ce fut précisément celui-là, l'un des moindres à ses débuts, qui finit par absorber les 9 autres et par conquérir l'Orient. Il le dut d'abord à sa position sur les frontières même des provinces et grandes villes grecques d'Asie, Brousse, Nicée, Nicomédie, à ses luttes contre des armées que commandaient les grands domestiques et les empereurs. Il fut au premier rang pour la guerre sainte. C'est ce qui attira dans ses armées les plus vaillants guerriers des autres principautés seljoukides, même des bandes turcomanes ou mongoles, sans compter beaucoup d'aventuriers grecs, latins ou slaves. Il le dut aussi à l'excellente organisation, merveilleuse pour l'offensive, qu'il se donna tout d'abord. Osman ne se sentait pas encore de force à enlever les grandes forteresses de l'Empire grec en Asie. Il se contenta de les bloquer par des forteresses. Ainsi, Nicée se trouva surveillée par celles de Karatekin et Trikokia, Nicomédie par Kouyoun-Hissar, Brousse par les 2 forts de l'ouest et de l'est. Établis aux portes mêmes de ces villes, les Turcs n'avaient qu'à attendre quelques hasards favorables qui leur permettraient de les surprendre. Brousse fut encore plus resserrée par la conquête d'Edrenos, Adriani. Enfin, Hourkan, fils d'Osman, la fit capituler, 1317. Les habitants obtinrent, moyennant 30 000 pièces d'or, le droit de sortir librement avec tous leurs biens. Quant au gouverneur grec, Evrenos, il embrassa l'islamisme et devint Evrenos Beg. La prise de Brousse fut le dernier exploit accompli sous le nom d'Osman. Il ordonna qu'on l'ensevelît dans cette magnifique conquête sous la voûte d'argent, 1326. On y montra longtemps son chapelet de bois à gros grains, l'énorme tambour donné par Alaa ed-Din, le grand sabre à double pointe et à la flamboyante lame, dont le héros savait faire 2 morceaux d'un infidèle. En vrai chef d'un peuple pasteur, Osman laissait pour tout héritage des chevaux, des bœufs, des moutons, une cuillère, une salière, un caftan brodé, un turban. À Brousse fut aussi enterré le cheikh Edebali, l'apôtre du peuple osmanli. Hourkan, institution et conquête. Le fils aîné d'Osman, Hourkan, lui succéda. Il confia à son frère Ala ed-Din la charge de vizir, ouizir, portefaix. Celui-ci rédigea les règlements sur les costumes et coiffures que devaient porter les dignitaires. Il organisa l'armée régulière, janissaires, fantassins, espahis, cavaliers. Par opposition aux irréguliers, Akinji, cavaliers, Azab, fantassins. Cette création précéda de plus d'un siècle les compagnies d'ordonnance de Charles VII. Pendant qu'Ala ed-Din organisait, Hourkan conquérait. Il enleva Nicomédie, l'ancienne capitale de Dioclétien, qui devint Isnikide. Il bâtit Andronique III à Maldépé, Pélécanon. L'empereur fut blessé et dut être rapporté à son vaisseau dans un tapis, 1330. Le résultat immédiat de cette victoire fut la chute de Nicée, dont la garnison et les habitants capitulèrent aux mêmes conditions que ceux de Brousse. Nicée, la seconde ville de l'Empire grec, la capitale des Lascaris et des premiers paléologues, la ville des conciles, devint Isnique. L'église, où avait été proclamé le symbole des apôtres, fut transformée en mosquée. La conquête de la Bithynie se compléta par la prise de tous les petits ports sur la mer Noire et la Propontide. À part Scutari et Philadelphie, il n'y avait plus d'Asie grecque. Les Osmanlis n'étaient plus séparés de l'Empire romain que par la largeur des détroits. Ce dernier obstacle fut bientôt franchi. Hourkan, comme son père, avait partagé son état en sandjak, drapeau. Il confia Nicée à son fils aîné, Suleiman. Celui-ci aimait à rêver parmi les ruines magnifiques de la presqu'île de Cizik. Une nuit, il crut voir un pont lumineux réunir le rivage d'Asie à celui d'Europe et une flotte mystérieuse naviguer sous les eaux. Il résolut de tenter une descente. Deux radeaux furent construits avec des troncs d'arbres réunis par des lanières de peau de bœuf. La nuit suivante, Suleiman s'embarqua avec seulement 39 compagnons, dont Evrenos Beg. Ils cinglèrent sur Tsipé, près Gallipoli, dont les fortifications étaient en ruine, et s'en emparèrent sans coup férir. 1356. À quelque temps de là, survint un tremblement de terre qui ruina les remparts de Gallipoli et d'autres places. Les lieutenants de Suleiman se hâtèrent d'y entrer. 1357. Lorsque l'empereur grec protesta, Hourkan excusa son fils en disant que ce n'était pas la force des armes qui avait ouvert ses places aux Osmanlis, mais la volonté divine manifestée par le tremblement de terre. Suleiman garda donc Gallipoli, cette clé de l'Europe. De là, ces Osmanlis poussèrent leurs incursions dans toute la Thrace. Il mourut en 1359. Son père ne lui survécut guère. 1360. Fin de la section 70.